marche est façonnée avec soin. Le propitiatoire reçoit sa place. Car même la justice s'agenouille devant le trône de la grâce. La sainteté et la miséricorde se rencontrent en un seul lieu. Tu dressais le trône de la grâce au cœur même de la loi, car sans ta miséricorde vivante, nul ne tiendrait debout. Tu dressais le trône de la grâce et l'espérance vient s'y poser, car la justice seule.